Activité 5, page 121. Piste 96. A. Pour visiter la Suisse, je peux prendre l'avion et le train. B. Les voyageurs découvrent Bangkok en tuk-tuk et en voiture. C. On visite Paris en bateau et en métro.